Hello. Si tu savais à quel point la rue ça peut faire. C'est pour le papier que c'est gâché ma putain. Toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie. De mon char, l'argent sale que j'ai volé dans la nuit. Tu sais la vie c'est fait de choix. Soit c'est une bite, soit t'es un roi. J'suis avec les dos sans capitaine. Y'a pas de salope avec qui je traîne. La lumière du glauque sur le front. Combien on parle, combien le front. Si jamais à drap, si jamais à bras, si jamais à mec, jamais en bas. Mauvaise décision, incision du cœur. Perte de la raison, la haine domine la peur, le genre d'un dévapeur. Contesté, détesté, adopté, fils de pute, combien rester. Bête de neuf, pas de sarbacane. Après le corona, j'envoie ma reine dans une baraque à canne. Stupéfiant, ça sort du port. Beaucoup d'amour, sa faiblesse. Déception, que ton oseille, elle est trop maline. Passe-moi de crise, pas d'argent en poche, tu verras si elle est vraie. Si elle t'aime. Si t'es vrai, même en taux que je viendrai te délivrer. Mon bébé, je sais que l'amour n'est pas dans le pré. Son teint de 300 000, vas-tu me livrer. Si tu savais à quel point la rue ça peut faire. C'est pour le papier que je t'ai gâché ma putain. Toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie. De mon char, l'argent sale que j'ai volé dans la nuit. Tu sais la vie c'est fait de choix. Soit c'est une bite, soit t'es un roi. J'suis avec les dos sans capitaine. Y'a pas de salope avec qui je traîne. La lumière du glauque sur le front. Combien on parle, combien le front. Si jamais y'a drap, si jamais y'a bras. Si jamais un mec, jamais m'envoie. La misère nous a rendu fort. Maintenant l'argent on sait en faire. Bien sûr que la cité ça ralentit. Si tu fais pas d'oseille, rien que tu tiens les murs. Double bang, c'est la mort. Pour le respect ou bien la drogue. Y'a les dreams, la recette du terrain. Y'a les menteurs, les dealers, les voleurs. Les huissiers, les comptes à découvert. Manger le riz sans les couverts. HLM rempli de cafards, on a la mentale, on n'est pas trop bavard. Série Pro 4, c'est la violence. Je déverse ma haine sur le piano. Une représaille en moto. Et le Uzi qui sort de mon manteau. Sur ton putain de haut, je l'ai des impacts. Fallait ralasse, là c'est trop tard. Série Pro 4, c'est la violence. Série Pro 4, c'est la violence. Si tu savais à quel point la rue ça peut faire. C'est pour le papier que je t'ai gâché ma putain. Toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie. De mon char, l'argent sale que j'ai volé dans la nuit. Tu sais la vie c'est fait de choix. Soit t'es une bite, soit t'es un roi. J'suis avec les dos sans capitaine. Y'a pas de salope avec qui je traîne. La lumière du glauque sur le front. Combien on parle, combien le front. Si jamais y'a drap, si jamais y'a bras. Si jamais un mec, jamais m'envoie.